que tu es citoyen de la maison de Dieu, et tu es fidèle dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu fais doit respecter les normes de Dieu, respecte les normes requises par Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois un nuage dérivant, mais que tu deviennes de la neige étincelante. Et il est le tout puissant.